de France Culture jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les Blancs refusent de vivre près des Noirs. Les Noirs ne sont pas riches, leurs propriétaires n'entretiennent pas leurs habitations. Ce fut pour Michel Pollack, en 1958, le premier visage de la ségrégation aux frontières incompréhensibles lors de son séjour à Chicago. Chicago Nord, Chicago Sud, le plus vieux métro aérien du monde, les Noirs qui sont venus travailler dans les usines d'armement. L'Amérique à la petite semaine, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 19 avril 1958. Et voici l'Amérique à la petite semaine. Note sur un voyage par Michel Pollack. Troisième émission, Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. I love it. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down. On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway. They have the time of their life. I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown. La réputation de Chicago n'est pas flatteuse. Pour les Européens, c'est la ville des gangsters. Pour les Américains, c'est la grande cité industrielle, sale, triste et ennuyeuse. Pourtant, au premier abord, on est plutôt séduit par ce monstre qui est le cœur des États-Unis, alors que New York n'en est qu'une excroissance surprenante, comme un magnifique champignon parasite. On oublie trop que Chicago est bâti le long du lac Michigan et que 30 km de plage s'étendent au pied des gratte-ciels. Quand on débarque par une radieuse journée d'été, on se croirait dans quelques Rio de Janeiro. De magnifiques parcs longent le lac, des baigneurs se dorment sur la plage, de nombreux yachts et voiliers croisent au large, et sur un minuscule aérodrome de tourisme, les petits avions font un carrousel incessant, surtout le dimanche, où l'on sort son avion pour faire un tour à sa famille. Chicago, Chicago, that's my hometown. Sans doute pourrait-on décrire un Chicago fort agréable à vivre. On doit mener une existence très confortable dans ces appartements dont les larges baies donnent sur le lac. Il y a le golf, des rues élégantes, il y a des boîtes de nuit. Mais je n'étais qu'un voyageur de passage et je garderai plutôt le souvenir d'une ville fascinante mais oppressante. Chicago, c'est la ville des plus grands abattoirs du monde, des plus grandes usines. C'était la ville des gangsters, c'est aujourd'hui la ville du business. Que vous soyez à Washington ou à la Nouvelle-Orléans, il y a toutes les chances pour que le pain que vous mangiez ait été fabriqué et empaqueté à 3 km de là, à Chicago. Tout vient, tout passe par Chicago, tout se vend à Chicago. À New York, on devinait encore le monde extérieur. À Chicago, l'Amérique se referme sur le voyageur qui perd pied et oublie l'Europe. Le monde n'est plus que l'Amérique. Et cette mer-là ne baigne pas des rivages européens ou asiatiques, c'est une mer intérieure qui, très loin derrière l'horizon, rejoint le Canada. Thank you. Je crois qu'on s'habitue plus facilement aux hauteurs vertigineuses des gratte-ciels new-yorkais qu'aux écrasantes dimensions des buildings de Chicago. Chicago ne provoque pas le ciel. La ville est solidement accrochée sur le sol et ses rues rectilignes s'étendent comme les sillons d'un champ de pierre jusqu'à l'horizon. Il faut monter au sommet d'un gratte-ciel pour découvrir que cette ville ne s'est permis aucune fantaisie. Bâtie sur la plaine immense qui l'entoure, bordée par un lac véritable mer intérieure, Chicago est aussi un personnel vu des hauteurs qu'une représentation de fonctions algébriques. C'est un quadrillage minutieux qui s'étend vers l'ouest, sans la moindre trace de verdure, sans le moindre accident de terrain, sans le moindre bâtiment saugrenu. Au coucher du soleil, le bitume des rues brille comme l'acier et ses mille traits inflexibles se perdent dans l'infini brumeux du bout du monde. Il semble que les énormes masses grises de toutes ces usines bout à bout ont envahi la terre entière. Si l'on en croit les guides touristiques, mais il faut les croire, Chicago possède tout ce qui est le plus grand au monde. C'est là un trait bien américain. Les publicités vous disent toujours « the biggest in the world, the largest in the world ». Depuis une marque de bière de Milwaukee, la meilleure du monde, jusqu'au petit bistrot de San Francisco qui affiche les meilleurs sandwichs du monde. Mais la première chose que je remarquais dans l'avion français qui me ramena à Paris, ce fut le slogan « le plus grand réseau du monde ». Toutefois, Chicago, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus grand, de plus gigantesque au monde. Je lis dans le guide que le centre a la plus grande concentration de magasins du monde, que la bibliothèque municipale qui contient plus de 2 millions de livres est une des plus grandes du monde, que le Merchandise Mart est le plus grand building du monde par son étendue et sa hauteur réunie. C'est un peu comme si l'Empire State Building avait été construit en longueur au lieu de l'être en hauteur. Je lis que l'Opéra de Chicago est le plus grand building de son genre avec ses 42 étages de haut. Je lis que la poste est la plus grande du monde, qu'elle emploie 19 000 postiers et fait circuler chaque jour 35 millions de lettres et 500 000 paquets. Il faut se promener par une lourde journée d'été à l'heure où les rues sont presque vides parce que tout le monde travaille et qu'il est impensable que l'on puisse se promener dans les rues de Chicago. Il faut marcher entre ces murailles blanches pour sentir la puissance de cette ville. Il est un endroit dont je garde un souvenir inquiet et émerveillé. Là, le fleuve de Chicago coule ses flots gris d'acier au pied de l'opéra. Il y a peu d'efforts d'urbanisme en Amérique, mais à cet endroit, il semble qu'un architecte, un peu dément, ait cherché quelque chose d'autre que de l'utile. Mais il n'a pas cherché l'agréable. C'est un rêve pétrifié. D'un côté, un mur de 20 étages, peut-être, avec une seule ouverture tout en haut, et un balcon de pierre lourdement ouvragé, c'est l'opéra, qui forme la base d'un gratte-ciel. De l'autre, des gradins de pierre qui descendent jusqu'à l'eau, et tout autour, la pierre des façades des plus grands immeubles du monde. Tout cela a des vagues réminiscences romaines, mais les architectes ont perdu les dimensions humaines. Le passant qui s'arrête et contemple ce paysage pendant plus d'une minute sent son corps rétrécir et devenir fourmi. Il ne faut pas flâner trop longtemps dans ce silence brûlant d'un mois d'été, silence coupé parfois par d'étranges coups de masse sur des tôles, car s'attarder, c'est perdre le sens de la vie. J'ai découvert dans ces rues de Chicago qu'il n'est pas bon de traîner sans but dans les villes américaines. Ces rues qui ne sont que le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre, ces rues qui se ressemblent toutes, ou plutôt qui ne ressemblent à rien. J'ai découvert aussi que les villes américaines n'ont pas de centre. Toutes les rues droites se coupent à angle droit. Mais quel angle est le centre de la ville? Il n'y a pas de place de l'hôtel de ville, ou de place de la poste, de la gare, de la mairie, de l'église. Il n'y a pas de square, de jardin public avec le monument aux morts. Il n'y a pas de grand rue où se promènent toutes les filles et tous les gars par les belles soirées d'été. C'est pourquoi, de Chicago, je ne garde que ce souvenir inhumain d'une muraille aveugle et de marches de pierre désertes au bord d'un fleuve mort. Chicago compte quelques bâtiments futuristes extrêmement surprenants. notamment des garages où s'entassent les voitures sur 20 ou 25 étages. Là, on fait l'économie de murs et seuls les grillages empêchent les conducteurs imprudents de précipiter leurs voitures du haut du 18e ou du 19e. Naturellement, l'un de ces garages est le plus grand du monde en hauteur, un autre est le plus grand du monde souterrain. Mais les garages n'y suffisent pas. Et du haut d'un gratte-ciel, il est curieux de voir les toits des immeubles envahis par les voitures. Le nord de la ville, qui est le quartier chic, est formé d'immeubles modernes d'une grande hardiesse, notamment des maisons de verre et d'acier, dont les vitres sont de verre fumé et les montants d'acier peints en noir. Il paraît que cette couleur du verre ne se voit que de l'extérieur et donne dans les appartements une lumière très douce. Ces immeubles sont les premiers que j'ai vus qui n'aient pas de fenêtres. Ces cloisons de verre ne sont pas faites pour s'ouvrir, car toute la maison est air conditionnée. Et le spectacle de cette façade entièrement close en plein été est vraiment des plus surprenants. Si le nord de la ville est une magnifique cité-jardin, le sud, lui, forme le plus triste spectacle que j'ai jamais vu. Pourtant, il y a là de jolies villas, c'était il y a 30 ans un quartier élégant. Mais pendant la guerre, les Noirs sont arrivés du sud par centaines de milliers pour travailler dans les usines d'armement. Ils ont peu à peu envahi ces quartiers. Et les Blancs, qui refusent d'habiter près des Noirs, ont déserté tout le sud de Chicago. Or, les Noirs ne sont pas riches et les propriétaires n'entretiennent pas pour eux les maisons avec autant de soin que dans les beaux quartiers. On peut se promener pendant des dizaines de kilomètres dans le sud de Chicago, on ne verra que des Noirs. On peut se promener pendant des kilomètres dans le nord de Chicago, on ne verra que des Blancs, excepté quelques portiers noirs. Ce premier visage de la ségrégation, je ne l'oublierai pas, tant ces invisibles frontières sont incompréhensibles. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one. If I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. When apercevoir les taudis du quartier noir, il n'est que de prendre le métro aérien. Chicago bat beaucoup de records. Il bat sans doute celui du plus vieux métro aérien du monde. Ce métro aérien qui obscurcit de ses vieilles ferrailles les avenues où les lumières sont allumées jour et nuit et qui passe avec un bruit d'enfer à quelques mètres des fenêtres des maisons. On aperçoit, insolite dans ces décors de planches bancales et de misère, des réfrigérateurs. Ils trônent tout blancs sur les vérandas à côté de grosses matrones qui se balancent dans de vieux rocking chairs. Mais sans doute, ce métro et ce panorama taudis auront-ils disparu dans 5 ans, car tout va vite en Amérique et l'on rase à Chicago, comme à New York, des quartiers entiers. Quand les Américains lancent des grands travaux, et particulièrement les habitants de Chicago, ils font preuve d'une audace inimaginable. Ainsi, on a décidé de construire une autoroute qui mènerait droit jusqu'au centre. Pour cela, les ingénieurs ont tracé une ligne et sur 20 km, les blocs de maisons ont été rasés inexorablement. Le spectacle de cette percée de 120 mètres de large que l'on voit partir de l'horizon et s'arrêter buté sur des blocs d'immeubles qui n'ont pas encore sauté montre la formidable puissance de ce pays qui peut se permettre de détruire aussi allègrement pour remodeler le visage d'une ville. Je vous ai parlé de cette poste énorme, la plus grande du monde. Eh bien, les ingénieurs n'ont pas hésité à la traverser plutôt que de dévier la rigoureuse ligne droite de l'autoroute. Le bâtiment, presque neuf, a été creusé et vidé et la route passe maintenant en son centre, au rez-de-chaussée si je puis dire. Mais assez parlé de choses sérieuses. À Chicago aussi, il y a des nuits à remplir. J'aurais bien voulu entendre du vrai jazz dans une de ces boîtes du quartier noir, mais ce quartier est immense et secret. J'ai cherché en vain les échos de ce style de Chicago. Ce qu'on trouve plus facilement, bien sûr, ce sont les boîtes de striptease. C'est là quelque chose de fastidieux, mais en Amérique, ce serait plutôt à conseiller à des candidats à la chasteté. Les Américains ont la chair triste et leurs demoiselles s'exhibent avec un ennui et un dégoût profond et souverain. Dans ce même quartier malfamé, j'ai découvert mon premier saloon. Style western, des cornes de taureau sur tous les murs, des pistolets, des fusils célèbres un peu partout dans les vitrines et des serveuses bottées. Quelques matelots en bordée à la place des cow-boys. En l'honneur de ce souvenir, je voudrais vous faire entendre un enregistrement que j'ai ramené du vrai Far West d'une boîte pour chercheurs d'or. Cela se termina mal, par une bagarre en règle, et la police arriva promptement pour embarquer les combattants. Je me dirigeais alors vers les quartiers chics, où des clubs distingués et bien fréquentés abritent des vedettes célèbres de passage. Je me décidais pour Sarah Vaughan. With Richard Davis on bass, Jimmy Jones at the piano, and Roy Haynes at the drums. One of the nation's most popular singers, but man, she's a jazz singer. Sarah Vaughan. En France, un récital de Sarah Vaughan serait quelque chose d'exceptionnel. Il aurait lieu comme un véritable concert, à la salle Pleyel par exemple. Mais en Amérique, les vedettes du jazz sont nombreuses. Dans chaque ville, vous en découvrez quelques-unes. Et le public blasé des nightclubs ne fait pas attention aux chanteurs ou à l'orchestre. C'est pourquoi, ce soir-là, j'entendis la voix de Sarah Vaughan à travers les braillements de deux ivrognes assis à côté de moi. J'ai découvert à Chicago un visage de l'Amérique que j'aime particulièrement. J'aime la hardiesse de certaines initiatives individuelles qui peuvent s'épanouir grâce à l'extrême liberté dans le travail. Aux États-Unis, vous pouvez fonder une station de radio comme vous créeriez ici une petite revue. Un jour, à Chicago, un couple, le mari était ingénieur, bricola un émetteur à modulation de fréquence. Après avoir demandé les autorisations nécessaires, ils émirent un petit programme de musique classique qu'ils présentaient tous les deux dans leur chambre. Le succès fut immédiat. Longtemps, l'entreprise resta ainsi artisanale. Mais, en donnant plus de puissance à l'émetteur pour faire plaisir aux voisins qui habitaient dans les quartiers limitrophes, nos radios amateurs engagèrent des dépenses qui les mirent dans la gêne. Ils firent alors appel à la générosité de leurs amis auditeurs, puis bientôt, tout naturellement, ils acceptèrent de la publicité pour les magasins du quartier. Ainsi, peu à peu, se créa une véritable station. Aujourd'hui, WFMT est installé au 30e étage d'un gratte-ciel et une petite équipe de jeunes émet tous les jours, dans un minuscule studio, un programme qui est le reflet de leur goût sans aucune concession. Ce programme comprend presque uniquement de la grande musique. De temps en temps, il y a des débats, des interviews, quelques nouvelles. Il faut voir le présentateur de service mettre les appareils en marche, présenter les disques au micro, démarrer les pick-up, déchiffrer les dépêches d'agence, remplir les formulaires administratifs et, ma foi, troublé par notre conversation, car il nous posait des tas de questions sur la France, il dut faire une erreur car le téléphone sonna. C'était un auditeur qui, gentiment, lui signalait qu'il passait un disque pour un autre. Sans s'énerver, notre ami brancha son micro, rectifia son erreur en plaisantant et remit le bon disque. Comme nous avions emmené quelques disques de France, nous leur avons fait un petit cadeau et nous leur avons laissé un micro-sillon de Germain Montero qu'ils doivent faire entendre de temps en temps à leurs auditeurs de Chicago. Est venu dans ma chambre, il a rongé la souricière, il a arrêté la pendule et renversé le pot à bière. Je l'ai pris entre mes bras blancs, il était chaud comme un enfant. Je l'ai bercé bien tendrement et je lui chantais doucement. Dors mon rat, mon flic, dors mon vieux Bobby. Ne siffle pas sur les quais endormis. Quand je tiendrai la main de mon chéri. Un chinois est sorti de l'ombre. Un chinois a regardé Londres. Sa casquette était de marine, ornée d'une encre coralline. Devant la porte de Charlie, à peine y fit, je lui ai souri. Dans le silence de la nuit, en chuchotant, je lui ai dit: je voudrais, je ne sais trop. Vous savez, on entend souvent la phrase traditionnelle: la vedette une telle retour d'une triomphale tournée en Amérique. Eh bien, c'est du bluff, car ce pays immense engloutit ses visiteurs et bien peu émerge d'une actualité surabondante. Je dois dire que la plupart des Américains que j'ai rencontrés ignoraient totalement nos vedettes de la chanson: Trenet, Gréco, Montand, Brassens ou Tino Rossi. Si les vrais amateurs connaissent Edith Piaf, la foule ne connaît par contre que Maurice Chevalier, qui est certainement le français le plus connu aux États-Unis. Derrière lui, Fernandel pour ses films, et, je dirais encore, Charles Boyer, bien qu'il soit maintenant américain. Quant à Brigitte Bardot, elle ne me paraît pas un danger pour Marilyn Monroe, bien qu'on dise à Paris que ses films sont un succès en Amérique et à New York. Lorsque j'étais à New York, les critiques étaient fort mauvaises et le grand public semblait l'ignorer. Il y a des films français tout de même en Amérique. On les voit régulièrement affichés dans les cinémas des quartiers dits malfamés. Ce sont nos films sexy. Et l'on a un petit peu honte de les voir dans ces rues avec le nom de Paris et de la France en grandes lettres. Pendant que nous évoquons la France, je voudrais vous signaler un des plus célèbres potages américains vendus en boîte de conserve dans tous les États-Unis. Son nom français m'avait bien sûr attiré l'œil, mais son appellation ne vous éclairera pas sur sa composition, loin de là. Il s'appelle potage vichyssoise madrilène, rien que cela. On se sert beaucoup du nom de la France d'ailleurs, mais la France n'est pas toujours derrière et par sa faute. Tenez, le grand succès de la mode masculine en Amérique, ce sont les chemises Lacoste, avec le petit crocodile brodé sur la poche, comme on en avait beaucoup en France avant la guerre. Eh bien, on les voit dans les vitrines avec cette mention « The French Mode Made in Germany ». Sans commentaire. Oui. When they do the mambo in Paris, ça c'est quelque chose. When they do the mambo très joli, c'est la vie en rose. Oui. How they love to mambo in Paris, ça c'est magnifique. When they do the mambo in Paris, ça c'est très très chic. Madame Dupont, mambos, Monsieur Dupont, mambos, Mademoiselle Dupont, mambos, they love to The Maréchal, mambos, la femme fatale, mambos, la rue Pigalle, mambos, they love to When they do the mambo in Paris, chacun a son goût. Now they never need psychiatry, tout le monde est fou. Oui! Everybody mambos in Paris, même le vieux mari. He goes out alone and so does she. Vive la liberté, la tête de veau. Mambos, la sauce est chaude. Mambos, même l'escargot. Mambos. It's just that ooh. Just like a Yank, mambos, sometimes a Frank, mambos, the George sank, mambos, it's just that ooh. Mambo in Paris, ça c'est très très chic. La tête de veau, mambos, la sauce est chaude, mambos, même l'escargot, mambos, it's just that Just like a yike, mambos, sometimes a frank, mambos, le George sank, mambos, it's just that À Chicago, les avions font la queue sur la piste de l'aérodrome, comme les voitures un dimanche sur notre autoroute de l'Ouest. Mais en quelques heures de vol, je me suis retrouvé dans un état au nom évocateur, le Colorado. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine au pied des montagnes rocheuses. C'était L'Amérique à la petite semaine, note sur un voyage par Michel Pollack.